Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un roman, que dis-je ? Une péninsule dans l'océan littéraire, un monument de la littérature, 1984, de George Orwell. Ce livre est ce qu'on appelle un classique, comme La Peste de Camus, au même titre que Le Vieil Homme et la Mer d'Hemingway, ou Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Il faut les avoir lus, ces livres. Ils font partie d'ailleurs des programmes scolaires. 1984 est de ces ouvrages qui sont à la fois classiques et redeviennent fréquemment d'actualité. Voyez le scandale des grandes oreilles de la NSA, un 1984 plus vrai que nature. 1984 est de ces œuvres qui, à la lumière de l'actualité, connaissent un nouveau succès. Dans les deux mois qui suivent l'élection de Trump, autre exemple, le chef-d'œuvre d'Orwell caracole de nouveau en tête des ventes. 75 000 exemplaires sont réimprimés. Pourquoi ? Que nous dit ce roman publié en 1949 ? Que nous dit-il de si fort qui soit à la hauteur de sa réputation ? Eh bien, et notamment, que nos libertés individuelles et collectives constituent notre bien le plus précieux et qu'à n'y prendre garde, nous risquons de le perdre et de vivre sous l'œil de Big Brother, cette créature de George Orwell, lumineuse et visionnaire illustration du concept si inquiétant de la société de surveillance. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Kevin Boucaud-Victoire, qui vient d'écrire une courte biographie d'Orwell. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Bertrand Rottet, avec Daphné Alia, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Comment mesurer sur le long terme le succès d'un livre ? Eh bien, voici quelques critères. Premièrement, toutes les librairies en ont un exemplaire. Deuxièmement, certains ont la possibilité d'avoir des retours de jeunesse. Par exemple, au mois de mai en France, en plein confinement, La Peste de Camus est remontée en 10e position des livres les plus demandés. Troisièmement, leurs éditions originales deviennent aussi précieuses que des œuvres d'art. Pendant le scandale de la NSA, l'original de 1984 a atteint 10 000 euros. Depuis, elle s'est un peu effondrée. On la trouve aujourd'hui pour 3 000 euros de moins. Pourtant, ce n'est pas un ouvrage de luxe numéroté. Sur les photos de la couverture, on voit une texture de buvard, le graphisme est assez banal. Pour tout arranger, la qualité du papier ne facilite pas la lecture. Le contrepoint sont des E et des A, le rond des O est parfois bouché. L'édition originale française chez Gallimard n'est pas en reste. Sur un site spécialisé, on la trouve à 690 euros et elle n'est pas parfaite. Mais le vendeur précise qu'il y a quelques infimes piqûres sur le dos et de légères rousseurs sur les plats. Tels sont les quelques éléments qui permettent de mesurer la qualité d'un livre, mais ce ne sont pas les seuls. Alors entrons précisément dans l'univers de George Orwell. Dans ce roman, nous sommes en 1984, donc, à Londres, capitale d'Océania, pays imaginaire qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique australe, les îles britanniques et l'Australie. Dans le roman, elle fait partie des trois régimes totalitaires qui se partagent le monde, les deux autres étant l'Eurasia et l'Estasia. Depuis longtemps, les socialistes ont pris le pouvoir en Océania. Winston Smith est un fonctionnaire du ministère de la Vérité. Dans son modeste appartement, il se met à écrire son journal, profitant d'un angle mort pour échapper au télécran qui surveille tous les citoyens. Pourra-t-il continuer son œuvre ? Rien n'est gagné. Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde. Le mieux, c'est encore de lire le texte. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il prit dans sa poche une pièce de 25 cents. Là aussi, en lettres minuscules et distinctes, les mêmes slogans étaient gravés. Sur l'autre face de la pièce, il y avait la tête de Big Brother, dont les yeux, même là, vous poursuivaient. Sur les pièces de monnaie, sur les timbres, sur les livres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout, toujours ses yeux vous observaient, cette voix vous enveloppait. Dans le sommeil, ou la veille, au travail, ou à table, au-dedans ou au-dehors, au bain ou au lit, pas d'évasion. Vous ne possédiez rien en dehors des quelques centimètres cubes de votre crâne. Dans cette ville glauque, sale, il faut se méfier de tout le monde. Autrement dit, on ne peut faire confiance à personne. Les relations sexuées sont bannies, la ligue anti-sexe des juniors y veille. À Océania, l'amour est condamné, les relations sexuelles ne doivent permettre que la reproduction. Dans cette ambiance, Winston devient une boule de nerfs. Il a des pulsions dangereuses et se met constamment en danger. Dans l'un de ses périples, il rencontre Julia. Il remarque cette jeune femme, sportive, aux cheveux courts et noirs. Un premier rendez-vous est vite organisé. Quand Winston la rejoignit, il vit qu'il se trouvait dans une clairière naturelle. Un petit monticule herbeux entouré de jeunes arbres de haute taille qui l'isolait complètement. La fille s'arrêta et se retourna. Nous y sommes. Il était en face d'elle, à plusieurs pas de distance. Il n'avait pas encore osé se rapprocher d'elle. Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. Il répéta stupidement : Nous sommes en sécurité ici ? Oui, voyez les arbres. En outre, je suis déjà venu ici. Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Une histoire d'amour à la sauvette commence. Heureusement, le contrôle n'est pas parfait à Océania. Alors, le couple profite des moindres interstices. Un jour dans une boutique, plus tard parmi les prolétaires, dans un champ. Julia est inventive, elle trouve toujours une solution. Le couple s'organise une vie en marge, faite de courtes rencontres. Mais cela ne peut pas durer. Big Brother is watching you. Très vite, Julia et Winston tombent dans un piège monté par le parti. Ils sont arrêtés. Dans la prison du ministère de l'amour, torturé quasi quotidiennement, Winston s'effondre. La pression est telle qu'il trahit Julia, la femme qu'il aime. Le lavage de cerveau l'a détruit. Winston, plongé dans un rêve heureux, ne faisait aucunement attention à son verre que l'on remplissait. Il ne courait ni n'applaudissait plus. Il était de retour au ministère de l'amour. Tout était pardonné et son âme était blanche comme neige. Il se voyait au banc des prévenus. Il confessait tout. Il accusait tout le monde. Il longeait le couloir carrelé de blanc, avec l'impression de marcher au soleil, une garde armée derrière lui. La balle longtemps attendue lui entrait dans la nuque. Il regarda l'énorme face. Il lui avait fallu 40 ans pour savoir quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire. Oh, cruelle, inutile incompréhension, obstinée, volontairement exilée de la poitrine aimante. Deux larmes empestées de gin lui coulèrent de chaque côté du nez. Mais il allait bien, tout allait bien. La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. Lavé, vidé, rincé, torturé. Au dernier moment, à la dernière page, Winston apprend qu'il va être exécuté alors qu'il s'est résolu à entrer dans le système, à aimer Big Brother, comme un inutile syndrome de Stockholm. Mais 1984 est bien plus qu'une histoire d'amour. Et la relation de Julia et Winston n'est qu'un prétexte. 84 est un roman politique, un roman de science-fiction qui décrit une société totalitaire. Les spécialistes parlent d'une dystopie, le contraire d'une utopie, sous-titrée en 9 langues. Pour convaincre le lecteur, Orwell consacre à cette 9 langues un appendice de plusieurs pages à la fin du livre où il en explique les principes. Pour lutter contre les crimes par la pensée, il faut réduire le vocabulaire. « La pensée dépend des mots », écrit Orwell. « La critique aussi. sans vocabulaire adéquat. Impossible de critiquer, impossible d'envisager des alternatives, de les concevoir pour éventuellement les rêver. Impossible non plus de les proposer et donc de les mettre en œuvre. Extrait, au pluriel, de l'appendice. Ne voyez-vous pas que le but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète lorsque le langage sera parfait. Pour cela, le parti fait disparaître les mots qui le dérangent ou il en appauvrit le sens. Le mot « libre » existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme « le chemin est libre ». Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de « liberté politique » ou de « liberté intellectuelle ». Les libertés politiques et intellectuelles n'existaient plus. Elle n'avait donc pas besoin de nom. Quelques années plus tôt, le philosophe Wittgenstein avait écrit « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». Et puis, comme tous les régimes totalitaires, Océania est séparée en deux mondes, les membres du parti et les prolétaires. Les premiers sont contrôlés, fichés, mais leur situation économique et sociale sont bien plus enviables que celles des prolétaires, qui bénéficient plus de liberté, mais qui vivent dans l'indigence la plus totale. Les prolétaires sont maintenus dans l'ignorance. Le travail physique les épuise, ils n'ont jamais le temps de profiter de leur liberté. Quand c'est nécessaire, les quelques éléments vraiment susceptibles d'être dangereux sont éliminés. C'est chez eux que Julia Winston cache leurs amours, dans ces fourmillantes masses dédaignées qui représentent 80% de la population d'Océania. Reste Big Brother. Il aimait Big Brother, sont les derniers mots du livre. Mais qui est-il ce Big Brother ? Adolf Hitler ou Joseph Staline ? Le nazisme et ses camps de concentration ou l'URSS et ses goulags ? En 1949, Hitler est mort, suicidé. Personne ne le regrette, évidemment. Quant au petit père des peuples, Staline, il ne peut pas vivre jusqu'en 1984. Il aurait alors 106 ans, ce qui ne serait pas raisonnable. Serait-ce alors son successeur ? Possible. En 1949, l'Union soviétique est bien vivante. On lui prête même un avenir radieux. Le 29 août, elle vient de faire exploser sa première bombe atomique. Dans certains domaines, elle est même en avance sur les États-Unis. En 1957, ses savants lanceront le premier Spoutnik. Les Américains, médusés, parleront d'un Pearl Harbor technologique. Alors, on ne sait pas. C'est un roman, comme il est écrit sur la première édition anglaise. Un roman, vraiment. Tout est imagination, comme le dit le littré dans sa définition du roman. Sûrement pas. Du reste, Orwell est très précis. Mon point de départ est toujours un besoin de prendre parti. Quand je m'installe pour écrire un livre, je ne dis pas « je vais créer une œuvre d'art ». J'écris un livre parce que je veux dénoncer un mensonge, je veux attirer l'attention sur un problème et mon premier souci est de me faire entendre. Quelques mois après la publication de 1984, l'auteur est emporté par la tuberculose. Alors, qui peut témoigner ? Qui peut nous répondre ? Qui peut percer le mystère de 1984 ? L'une des dernières traductrices du livre, José Camoun, confie ses difficultés en 2018 sur France Culture. Je ne sais pas du tout pourquoi la première traductrice n'a pas traduit Big Brother à l'époque, car à l'époque, pour tout le monde, ce Big Brother, c'était le grand frère soviétique, c'était assez transparent. Toutes les autres éditions européennes, toutes les autres traductions l'ont traduit, mais ce Big Brother est resté. En France, c'est-à-dire que c'est en France oui, qu'on oui, a c'est gardé spécifique Big à la France, ah, oui. Pour des raisons qu'elle n'a jamais expliquées. Qu'elle n'a jamais expliqué, à se demander si elle connaissait l'existence du grand frère soviétique, c'est une question. Mais pendant ce temps, et c'est pour ça que la traduction a comme ça des volte-face et des inattendus qui sont fort drôles. Pendant ce temps, le monde entier s'est mis à parler un anglais véhiculaire et bah, tout le monde sait qui est Big Brother et tout le monde comprend quand même que ça veut dire grand frère. Et dans le même temps, l'expression grand frère pour les générations montantes, celles qui ont entre 20 et 40 ans, renverrait à tout autre chose que le grand frère soviétique. Et donc, c'est bien Big Brother qui nous toise depuis les affiches. Alors, Staline, peut-être, sûrement même. Surtout si on remet le livre dans son contexte historique. En tout cas, dès sa sortie, il est un best-seller. Il profite de la guerre froide. En Europe, les manuels scolaires datent souvent les débuts de la guerre froide en 1946 et plus particulièrement à l'occasion du discours de Fulton de Winston Churchill. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent désormais dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Ce qu'il faut est un arrangement. Et plus nous tardons à le conclure, plus il sera difficile à trouver et plus les dangers qui nous menacent deviendront importants. Ce que j'ai pu voir chez nos amis et alliés russes pendant la guerre m'a convaincu qu'il n'y a rien qu'ils admirent autant que la force et rien qu'ils respectent moins que la faiblesse, surtout la faiblesse militaire. En un an seulement, le jeu d'alliance a changé. Fini l'époque où, de 1941 à 1945, les Soviétiques, les Américains et les Anglais affrontaient les troupes de l'Axe. Les anciens alliés se font maintenant face. En 1946, les communistes deviennent officiellement les ennemis des démocraties libérales. Cette situation crée un foisonnement intellectuel, parce que les gens ont besoin de comprendre. Enfin, comment notre allié d'hier peut-il devenir si soudainement notre ennemi? Pourquoi repartir dans une guerre? La dernière était tellement traumatisante. Pour décrire cette nouvelle situation, mais aussi pour la légitimer, de nouveaux concepts apparaissent. Orwell est un témoin avisé de cette évolution. Dans La Tribune, un quotidien britannique, il est le premier à avoir utilisé le mot « guerre froide ». Le 19 octobre 1945, dans « You and the Atomic Bomb », il le définit précisément. Il prédit que dans la seconde moitié du XXe siècle, à chaque tension, les populations seront effrayées par un éventuel conflit nucléaire. Dans le monde libre, il faut aussi remobiliser les populations épuisées par la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, les témoignages, les romans, les films sont plus efficaces que les professeurs de Sciences Po. La CIA met d'énormes moyens pour faire la promotion des meilleurs d'entre eux. J'ai choisi la liberté et le plus médiatisé des témoignages anticommunistes. Dans un style très accessible, en 650 pages, l'ex-ingénieur soviétique Viktor Kravchenko décrit les exactions du stalinisme. Publié en 1946 aux États-Unis et en 1947 en Europe, c'est immédiatement un succès d'édition. Sur le bandeau de l'édition française, il est précisé qu'un million d'exemplaires ont été vendus aux États-Unis. Parmi les films, I Was a Communist for the FBI de Gordon Douglas caricature les communistes en êtres maléfiques et racistes. Orwell rejoint ces intellectuels engagés. Son premier succès, La ferme des animaux, est un conte anticommuniste génialement construit. 1984 est le second. Il faut dire que l'anglais a un compte personnel à régler avec les cocos. There's always some. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Le 11 juillet 1996, le très sérieux Guardian est à l'origine d'une information surprenante. En 1949, en même temps que sort 1984, George Orwell livre au service secret de la couronne une liste de communistes. Voilà sous la plume de l'auteur de La Ferme des Animaux, Charlie Chaplin, Orson Welles et Catherine Hepburn, devenus crypto-communistes. Il y a de quoi choquer les plus orwelliens qui prenaient jusque-là notre héros pour un anarchiste bienveillant. Aujourd'hui, le scandale s'est un peu estompé et deux lectures persistent de l'événement. Les plus durs considèrent Orwell comme un support du maccartisme. Dans ce groupe, beaucoup de Français. En 1949, quelques années après l'occupation, les délateurs sont assimilés à des collaborateurs. Le Monde n'y va pas par quatre chemins. L'auteur de 1984 a dénoncé au Foreign Office des crypto-communistes, affirme le quotidien. De son côté, le très sérieux mensuel d'Histoire affirme qu'Orwell a spontanément participé à la chasse aux sorcières. La référence au maccartisme est explicite. Joe McCarthy, ce sénateur du Wisconsin, allait, dans les années 50, c'est-à-dire en pleine époque de la guerre froide, déclencher ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. C'est-à-dire une fantastique campagne qui s'étend à l'époque sur tout le territoire des États-Unis et qui a pour but d'éliminer tous ceux qui, dans le domaine politique, culturel, artistique, peuvent être soupçonnés d'être ou d'avoir été communistes, ou bien d'avoir des idées progressistes qui autorisent à les considérer comme des agents ou comme des espions à la solde des soviétiques. Le cas n'est pas unique. Steinbeck a eu un parcours similaire. À ses débuts, l'auteur des Raisins de la colère a été membre d'une organisation communiste, la League of American Writers. Mais le talentueux romancier des souris et des hommes termine sa carrière en glorifiant l'armée américaine bombardant le Viet Minh. Le même Steinbeck, qui, ironie de l'histoire, se trouve sur la liste d'Orwell. D'autres pensent que leur héros est un socialiste anti-stalinien, une denrée rare en 1949. À cette période, selon son humeur, Orwell est socialiste ou anarchiste. Il ne l'a pas toujours été. Issu de la petite bourgeoisie intellectuelle, il est scolarisé dans les meilleurs établissements britanniques et son premier métier est d'être policier dans les colonies britanniques. Mais quand un éditeur lui demande de s'intéresser à la classe ouvrière, il se convertit au socialisme. Il en tire un livre très engagé, Le Quai des Vigants, extrait publié en 1936. La tâche des gens intelligents est non de rejeter le socialisme, mais de s'employer à l'humaniser. Notre devoir est de combattre pour la justice et la liberté. Socialisme signifie précisément justice et liberté. Une fois qu'on l'a débarrassé de toutes les sottises qui l'encombrent, c'est sur ces valeurs essentielles et sur elles seules que nous devons fixer notre attention. Rejeter le socialisme simplement parce que tant de socialistes individuellement sont des gens lamentables serait aussi absurde que de refuser de voyager en chemin de fer parce qu'on n'aime pas la figure du contrôleur. Et n'hésite pas à souhaiter l'exécution des factieux. La guerre d'Espagne marque un deuxième tournant. En voyant ses compagnons d'armes anarcho-syndicalistes se faire agresser, abandonner, massacrer, parfois même par des staliniens, il devient profondément anticommuniste, jusqu'à perdre la raison et dénoncer Chaplin, Hepburn, Welles et Steinbeck comme crypto-communistes. Mais incontestablement, cette rupture est importante dans sa vie. Il serait donc plus proche de Dos Passos que de Steinbeck. L'auteur de Manhattan Transfer abandonne ses sympathies communistes quand il apprend que son ami militant socialiste espagnol, José Robles, a été exécuté par les staliniens à Barcelone. Nous sommes sur France Culture, en 1984, évidemment. Quand éclate la guerre d'Espagne, Orwell s'engage dans les troupes trotskistes. En 1937, il est blessé à Huesca et il assiste impuissant à la liquidation des mouvements anarchistes espagnols et trotskistes, traités de mercenaires de Franco. Rentré à Londres, Orwell découvre qu'on a déformé complètement la guerre d'Espagne dans la presse de gauche anglaise, annonçant des victoires là où il n'y avait pas eu de bataille et passant sous silence des combats héroïques. En même temps, Orwell découvre les procès de Moscou qui vont lui donner l'idée qu'on manipule l'histoire, qu'on peut la manipuler en modelant les esprits et en faisant dire aux mots le contraire. D'où les slogans de 1984 « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force ». À partir de là et jusqu'à la fin de sa vie, les propos d'Orwell sont d'une grande clarté. Il ne mâche pas ses mots. À mon avis, rien n'a plus contribué à corrompre l'idée originale du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste et que chaque initiative de ses dirigeants devait être exécutée, sinon imitée. Je suis convaincu que la destruction du mythe est essentielle si nous voulons relancer le mouvement socialiste. Dans les deux cas, Orwell serait donc anti-stalinien, mais qui peut l'en blâmer ? Alors que j'ai choisi La Liberté, devenu un livre pour historiens, que plus personne ne se souvient du film Was a Communist for the FBI, 1984 tient toujours la rampe. Mais est-il toujours aussi prophétique ? Le livre continue à très bien se vendre, car il permet une lecture sans concession de la société contemporaine. En Chine, par exemple, tout y est. L'Empire du Milieu a créé sa propre novlangue. Pour le Parti communiste chinois, le capitalisme, c'est le communisme. Pour les Ouïghours, les prisons sont des centres d'éducation et de formation. Et ce n'est pas tout. Au début du coronavirus, les lanceurs d'alerte disparaissent. Xi Jinping est en avance sur le monde avec sa technologie qui fait des 1 milliard et 400 millions de Chinois autant de suspects. Et là, ce n'est plus du roman, c'est une réalité. Le sinologue Alain Wang, dans un récent documentaire d'Arte, parle de première dictature numérique au monde. Le télécran de 1984 qui vous surveille est devenu une réalité. Les fiches biométriques, l'algorithme de la répression font que même de dos vous êtes reconnu à votre démarche, à votre taille. Le tournant date de l'époque où Xi Jinping était responsable des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il avait alors installé un réseau de caméras pour éviter toute manifestation. Et c'est un succès aujourd'hui en Chine. Il y aurait une caméra pour 2 habitants. D'ailleurs, la Chine dépasse 1984 sur sa droite et met en place un contrôle social à points avec un système qui pénalise ou récompense les citoyens en fonction de leur comportement. Le barème est connu de tous, il est affiché dans les rues, la délation est récompensée. Mais pas la peine d'aller jusqu'en Chine, le néolibéralisme en crise glisse progressivement lui aussi vers 1984. On en est encore loin, mais les chercheurs ont inventé un nouveau concept pour parler de ce glissement, l'illibéralisme. En 2018, dans la matinale de France Inter, le chroniqueur politique Thomas Legrand explique. Les philosophes Pierre Rosanvallon et Étienne Balibar avaient, dans les années 90, inventé le terme d'illibéralisme qui nous permet de qualifier cette forme de démocratie, car il s'agit techniquement de démocratie, avec l'idée que ce qui compte avant tout, ce sont les élections. Les élections comme blanc-seing à un homme fort. Le primat n'est plus la liberté, mais la sécurité. Sécurité des biens et des personnes, sécurité identitaire et aussi de l'emploi avec un retour des frontières qui serait socialement plus protecteur. Pourquoi les électeurs choisiraient une démocratie moins disante, sporadique, passant du primat de la liberté à celui de la sécurité? Pourquoi abandonnerait-il la démocratie du quotidien qui garantit les droits individuels? Parce que depuis la panne de la croissance assurée et le retour de l'insécurité sociale, une grande partie de la population a le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, que la démocratie du quotidien, le syndicalisme, les grandes associations, la presse, est exercée, occupée par une petite partie de la population, le système ou une caste selon les expressions. Pas forcément plus aisée, mais urbaine, à l'aise avec la mondialisation, dotée d'un capital culturel qui la protège. N'ayant pas accès aux instruments de la démocratie d'entre les élections, eh bien une grande partie de la population rurale, des villes moyennes et périurbaines, préfère utiliser le levier démocratique qui lui reste, l'élection, pour envoyer des messages forts, brutaux, et choisir des solutions qui font fi des corps intermédiaires, des médias et de leur représentation du monde dont ils se sentent exclus. Aux États-Unis, la NSA, le programme de surveillance numérique américain, n'a pas le monopole de l'espionnage. Non, les GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres Apple stockent tout ce que l'on peut savoir sur nous. Là, c'est pour prévenir du terrorisme. Ici, c'est pour accroître les profits. Pas officiellement. Cela explique pourquoi les lecteurs de 1984 sont encore aujourd'hui dithyrambiques sur ce chef-d'œuvre. Voici quelques commentaires glanés sur des sites de vente en ligne. Un grand classique, voire le grand classique de la littérature fantastique. L'ouvrage précurseur en somme, celui qu'il faut lire absolument. Incontournable. S'il n'y avait qu'un livre à lire... Je ne me lasse pas de relire ce chef-d'œuvre visionnaire, car nous sommes, dans un certain sens, en plein dedans. La novlangue, le lavage de cerveau, la surveillance à tous les niveaux, la manipulation des masses. Un bouquin qui fait beaucoup réfléchir. Voulons-nous vivre dans un tel monde ? Comme le fait remarquer Jean-Claude Michéa, l'un des grands lecteurs d'Orwell, ses critiques portent autant sur le communisme que sur le libéralisme. Il regrette que pendant très longtemps, on ait considéré La ferme des animaux et 1984 uniquement à travers le prisme d'une critique de l'Union soviétique, alors que d'après Orwell lui-même, cette critique était inséparable du libéralisme. Une critique qu'il avait surtout développée dans ses essais, mais pas seulement, car la novlangue s'est aussi développée chez nous. Deux exemples. Le génie de nos communicants a fait progressivement glisser les plans de licenciement en plans de sauvegarde de l'emploi. Dans 1984, la paix c'est la guerre. Et bien depuis 2000 en France, licencier sauve l'emploi. À bas bruit, la ségrégation sociale se développe, les inégalités se creusent. Les économistes ont même inventé des concepts pour décrire le phénomène. Insider, outsider, ceux qui sont dedans et ceux qui vivent à la marge. Son développement n'est pas toujours apparent. Mais en 2020, avec la crise des coronavirus, le confinement nous l'a rappelé. Exposés aux dangers sanitaires, les habitants des quartiers défavorisés tenaient les caisses des supermarchés, les citoyens confinés. Ironie de l'histoire, ou génie d'Orwell, l'économiste Thomas Piketty affirme que c'est à partir des années 80 que les inégalités repartent à la hausse. Les historiens sont encore plus précis. En France, c'est en 1984, tiens donc, que les partis de gouvernement adhèrent dans leur grande majorité au néolibéralisme, tournant qui s'est accompagné en France cette année-là du processus de désindustrialisation, restructuration, disait-on à ce moment-là. Et surtout, porte ouverte sur les futures délocalisations. Cette plasticité de 1984 fait que l'on arrive à trouver parmi les défenseurs d'Orwell des philosophes aussi opposés que le très médiatique Raphaël Enthoven ou le très rare Jean-Claude Michéa. C'est la force d'une œuvre, d'une référence. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le célébrissime 1984 de George Orwell, dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Kevin Boucaud-Victoire. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez les pages débat idées du journal Marianne, l'hebdomadaire Marianne, et vous avez écrit une biographie d'Orwell. Alors, des écrivains passionnants, il y en a beaucoup. Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui vous passionne autant chez Orwell jusqu'à en écrire une biographie, donc entrer dans son univers? Alors, c'est pas exactement une biographie, c'est un livre en deux parties. C'est à la fois une biographie sur la première partie, et la deuxième partie est une explication de sa pensée, de son socialisme non stalinien justement, ou anti-stalinien. Et d'ailleurs, ce qui m'avait été commandé, c'était surtout la partie pensée. Ouais. Mais j'estime qu'on ne peut pas comprendre Orwell sans comprendre sa vie, la guerre d'Espagne, le cas de la commande pour le quai de Vigan dont vous avez parlé tout à l'heure, etc. Alors pourquoi Orwell déjà? Parce que dans le paysage intellectuel, c'est quand même un intellectuel assez à part. À la fois socialiste, révolutionnaire, anti-stalinien, mais anti-totalitaire. Je pense qu'il avait compris quelque chose à l'époque qu'on n'a toujours pas compris. C'est que l'un des drames de la gauche, c'est d'avoir été anti-fasciste, mais de ne pas avoir été anti-totalitaire. Et ça, avec le temps, justement, donc la gauche s'est abîmée avec l'expérience stalinienne et l'URSS. Et alors, il y a ça, il y a sa critique du progrès. Orwell était quelqu'un qui était assez méfiant à l'égard des utopies progressistes. Il n'aurait pas aimé notre époque, hein, avec ses ordinateurs. Il n'aurait pas du tout aimé notre époque. Les sous virtuels, ouais. Voilà, son rêve était quand même de vivre à la campagne, ce qu'il a fait à la fin de sa vie, hein, de vivre à la campagne avec son potager et de faire de la pêche à la ligne. Je pense qu'effectivement, nos écrans partout l'auraient horrifié. Lui qui pensait que le progrès nous mènerait à devenir quelque chose qui ressemblerait à un cerveau enfermé dans un bocal. C'est-à-dire voilà, qui nous priverait en fait de tous nos sens et de toute notre agilité, etc. Voilà, aujourd'hui on est incapable de trouver un restaurant sans utiliser un GPS et donc notre téléphone portable. Enfin voilà, c'est ça, il l'avait très bien vu. Et il y a aussi son assistance vers ce qu'il appelait les gens ordinaires, c'est-à-dire un peu plus que le prolétariat stalinien marxiste. Marxiste. Oui, un peu plus que le prolétariat, c'est-à-dire pas seulement les ouvriers, mais il y a aussi avec les petits fonctionnaires, les petits boutiquiers, les salariés. Il y en a beaucoup. Oui, exactement. Il disait vouloir construire une ligue des opprimés contre les oppresseurs et disait s'adresser à tous ceux qui courbent les chines devant leur patron et frissonnent à l'idée du prochain loyer à payer. Ouais. Donc, c'est la ségrégation sociale qu'il dénonce. C'est ça, exactement. Et donc, tout ça, en fait, fait que je me suis vraiment intéressé à Orwell. D'ailleurs, au départ, par le biais d'un autre philosophe que j'aime beaucoup et à qui j'ai aussi consacré un ouvrage après, c'est Jean-Claude Michéa. Oui, qu'on va écouter d'ailleurs. Voilà. On va l'écouter. Bah, parce que vous m'en parlez. D'accord? On écoute sa voix. Oui. Parlons du style d'Orwell. D'abord, on trouve un style qui est assez rare en France. Même Camus, qui aurait quelques rapports avec Orwell, écrit toujours dans un style qui sent quand même encore l'école et l'académie. C'est un style magnifique, mais on sent qu'il a été formé dans la tradition intellectuelle française. Orwell, c'est un esprit libre, c'est Oscar Wilde, il a une écriture qui est totalement celle d'un esprit libre. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il prend la plume, c'est pas pour défendre une ligne politique, mais pour analyser le monde tel qu'il est. Et si, pour analyser le monde tel que je l'ai sous les yeux, je dois prendre mes distances avec la ligne politique, ça ne pose aucun problème. Simon Leys comparait Orwell à ces moines, ces vrais moines qui, dans l'hiver, pour réchauffer le couvent, n'hésitaient pas à faire du petit bois avec les crucifixes et les idoles saintes. Et Orwell, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le style d'abord. Je suis assez d'accord. Alors Orwell met quand même du temps à trouver son style. Hein. Ouais. Ce qu'il écrit d'abord quand il est au lycée, assez médiocre, il en convient. Surtout sa poésie. Ensuite, il met énormément de style au début. Il a énormément de mal. Il est un peu brouillon, mais il trouve son style, en fait, un style dont il explique un peu les ressorts. Il essaie à la fois d'être clair, d'être précis, un vocabulaire toujours très bien recherché. Tout à l'heure, vous avez cité un extrait de son essai qui s'appelle « Pourquoi j'écris ». Oui. Dedans, il écrit aussi que pour lui, il lui serait impossible d'écrire la moindre ligne si ce n'était pas une expérience esthétique avant. Dans cet essai, il explique aussi qu'un écrivain a quatre raisons d'écrire. Ces quatre raisons sont d'abord l'ego, vouloir prendre sa revanche vis-à-vis des adultes qui vous ont martyrisé lorsque vous étiez gosse. Et il dit que tous les écrivains, sans exception, ont énormément d'ego, sinon ils ne pourraient pas écrire la moindre ligne. Et il dit qu'il y a trois autres raisons qui peuvent apparaître. Donc il y a la volonté politique, la volonté historique, vouloir relater un fait, et puis la volonté esthétique. Et lui explique d'ailleurs que la politique, en fait, est arrivée après. C'était d'abord l'esthétique, l'ego et l'histoire, vouloir raconter des événements de manière précise qui ont d'abord joué un rôle. Et en fait, c'est effectivement en 1935, quand il découvre le monde politique, qui décide finalement de faire de l'écriture politique un art, ce qu'il dit dans le même essai. Alors, puisqu'il est engagé politiquement, maintenant, résumons, on a compris son positionnement, parce qu'il n'est pas évident son positionnement, c'est ce qui le rend intéressant d'ailleurs, oui. Hein, parce que c'est plein de contradictions, ce sont les contradictions qui finissent par faire une cohérence dans une pensée et dans un discours. Donc comment on peut résumer là, son positionnement politique, donc contre tous les totalitarismes, une fibre de gauche, tout de même, une fibre sociale. Hein, donc une gauche qui serait débarrassée de tous ses penchants, si tant est qu'elle en est, totalitaire, c'est ça? Oui. Alors oui, et lui se dit socialiste démocratique. Donc en 1946, par exemple, il écrit que tout ce qu'il a écrit depuis 1936 dans la moindre ligne a été écrit pour le socialisme, non, contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique au sens où il l'entend. Donc il est à la fois effectivement pour une société sans classe, contre l'exploitation, pour à la fois pour une forme de planification économique et de partage des moyens de production, mais en même temps il n'oublie jamais la démocratie. Pour lui, la démocratie est quelque chose d'essentiel, ne doit jamais être séparé du socialisme, sinon on en arrive à l'expérience de l'URSS qu'il juge à plus ou moins abominable. Donc il a aussi une sensibilité écolo avant l'heure, d'où sa critique de la technique, du progrès technique, des machines, estimant qu'on en arrivait à un monde plus artificiel. Il y a un très beau texte qui s'appelle Réflexion sur le crapaud ordinaire, où il s'émerveille du retour du printemps. Il y a un vrai sentiment de nature, et en fait Orwell, pour moi, il est l'un des pères de ce qu'on a pu appeler la gauche antitotalitaire, mais une gauche antitotalitaire écolo qui ensuite a traversé en fait les âges. Orwell, mais un peu plus tard on peut trouver des gens comme Guy Debord, comme Castoriadis, comme Christopher Lasch, Albert Camus, Jacques Ellul, et puis voilà, ça irait jusqu'à aujourd'hui, Michéa, le journal La Décroissance, c'est toute une famille un peu informelle en fait, et Orwell en fait est l'un des pères de cette famille, avec peut-être la philosophe Simone Veil avec un W. Oui, bien sûr. Voilà, la philosophe anarchiste mystique. Ce sont peut-être les deux pères de cette famille, oui. Alors, on arrive à l'affaire sensible. Dans l'affaire sensible, ce maccartisme réel ou supposé. Expliquez-nous, parce que c'est compliqué ça. Alors, il y a une très bonne belle brochure de l'Encyclopédie des Nuisances sur ce sujet. L'Encyclopédie des Nuisances, qui est connue notamment pour avoir publié les œuvres intégrales d'Orwell, dont le fondateur Raymond Semprun pourrait aussi être de cette gauche dont je parlais. Oui. Ils expliquent à quel point en fait il n'y a pas réellement d'affaire. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que une amie d'Orwell, Celia Kirwan, si je n'écorche pas son nom, un jour, lui qui travaille pour le ministère des Affaires étrangères, lui explique que son ministère veut aider et favoriser des intellectuels, journalistes, artistes qui sont à la fois de gauche et non staliniens. Faut se souvenir qu'à l'époque le parti travailliste a pris le pouvoir aussi en Angleterre. Et donc Orwell en fait lui indique tout simplement une liste de gens à ne pas contacter, puisqu'ils sont crypto-communistes, voire totalement communistes. Ah oui, c'est pas pour les dénoncer, c'est pour éviter de faire une erreur. C'est quoi, ça, bon. C'est ça. Et donc, et d'ailleurs, il lui donne à titre strictement privé cette liste, elle n'avait pas pour but d'amener un maccartisme, effectivement. Kevin Boucaud-Victoire, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer de parler d'Orwell et de son œuvre, après avoir écouté John Lennon, Only People. L'ami John Lennon sur France Inter. Nous continuons à discuter du roman de George Orwell 1984 avec notre invité Kevin Boucaud-Victoire qui a écrit un livre qui est à la fois dans sa première partie une biographie et dans sa deuxième partie une analyse de texte de 1984. D'ailleurs, il aurait pu écrire 1985 ou 86 parce que par définition, il ne pouvait pas savoir que ce qui se passait en 84. Pourquoi 84 ? Alors, il ne pouvait pas le savoir, mais le hasard a bien fait les choses, puisqu'il a écrit son roman en 1948, et il a juste inversé les deux derniers chiffres. D'accord. Dans quelle catégorie mettriez-vous 1984, vous, livre politique ou livre de science-fiction, ou les deux, on a le droit aux deux aussi, hein. Les deux, dystopie, les deux. Ça marche dystopie, bien, justement. Ça marche bien, oui. Alors, comment il a été reçu à sa sortie? Parce que maintenant, on en parle, évidemment, comme un chef-d'œuvre, qu'il l'est, mais à sa sortie. Alors, à sa sortie, il est bien reçu. Alors que effectivement ses précédents livres, à part La Ferme des Animaux qui est déjà son premier best-seller, oui. ses précédents livres, il avait quasiment sorti un livre par an depuis 1932 ou 33, il ne marchait pas du tout. Il a eu des fois des problèmes d'éditeur, notamment pour Hommage à la Catalogne, puisque il y dénonçait quand même le rôle des staliniens durant la guerre d'Espagne, et d'ailleurs si je ne me trompe pas, Hommage à la Catalogne avait été publié, édité à 1000 exemplaires, et à sa mort, les 1000 exemplaires n'étaient toujours pas écoulés. Ah oui. Donc oui, voilà. Donc c'est, mais La Ferme des Animaux et puis 1984 ont tous les deux marché énormément. Son malheur, c'est d'avoir été plus apprécié au début des milieux conservateurs. La CIA notamment a financé des œuvres culturelles autour de ces deux romans, notamment des bandes dessinées un peu partout dans le monde, de La Ferme des Animaux. Pas terrible pour l'indépendance. Pas terrible pour non et ni pour lui puisque c'est ça. Ce pour lui, moi je pensais pour lui, oui. Bah si. Ouais, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. En même temps, il est mort très peu de temps après la mort de 1984, hein, puisque 1984 c'est en 49. Oui. Il est mort en 50 en début d'année, le 21 janvier en plus. Donc il y a ça. Par contre, il y a des endroits où le livre passe un peu plus mal, par exemple en France où c'est compliqué. Et pourquoi ? Pour lui. Alors le Parti communiste est le parti le plus puissant en France à l'époque, absolument. Joue un rôle très important dans le monde universitaire et dans le monde éditorial. Alors en France, les œuvres d'Orwell, on les a eues difficilement grâce en partie à Guy Debord et son éditeur Gérard Lebovici. Donc Guy Debord qui était une sorte de communiste libertaire. Et donc pas du tout stalinien, et puis un peu plus tard par l'Encyclopédie des Nuisances, qui était d'ailleurs des disciples en fait de Guy Debord, mais il était effectivement très dur, et donc je crois que jusqu'aux années 80, on avait que La Ferme des Animaux et 1984 d'Orwell, encore traduit en français, donc c'était assez compliqué, mais malgré tout, c'était quand même un best-seller mondial assez rapidement. Ouais. Alors une dernière question, mais il ne reste que 25 secondes. Est-ce que d'une certaine façon, 1984 fait de l'ombre à La Ferme des Animaux, ce qui serait dommage, parce que La Ferme des Animaux, c'est bien aussi. Alors 1984 fait de l'ombre à La Ferme des Animaux, et ces deux livres font de l'ombre à l'ensemble de l'œuvre d'Orwell. moi, mon roman préféré d'Orwell, c'est Un peu d'air frais, donc sorti en 37. Et puis, il y a ces essais qui sont tous passionnants, et font de l'ombre à sa pensée politique, puisque à l'époque, en sortant 84 et à La Ferme des Animaux, il écrit dans ses lettres encore qu'il est révolutionnaire et qu'il espère la révolution. On a fini par oublier ça pour se concentrer que sur le Orwell anti-totalitaire. Merci infiniment, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Kevin Boucaud-Victoire, pour tous ces éclairages sur ce personnage fascinant, George Orwell. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 1984 de George Orwell, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Puisque nous sommes vendredi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Juliette Proutot, Adrien Mora, Stéphanie Fromentin et Bertrand Rotté. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Philippe Pierrard. Reportage, Adèle Verzo. Réalisation, Marion Lelay, Lauriane Toulmont, Coyenne Guyenne et Benjamin Riquet. À la technique aujourd'hui, Denab Sangaret.